Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, vous nous parlez d'une tendance qui se développe auprès de ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'environnement, une tendance qui passe par une détox agricole. Les théories du complot se déchaînent autour de la personne de Greta Thunberg, mais elle n'est pas la seule, ni la première, loin de là, à tirer le signal d'alarme quant aux activités humaines et à leur impact sur la santé de notre planète et par conséquence, la nôtre. Du côté des passeurs d'histoire, on s'attache à comprendre les relations tendues qui impactent sur le réchauffement de la planète, mais aussi à une autre dimension sensible de notre époque, le travail, et en particulier le travail agricole. L'agriculture, la plus grande réalisation de notre espèce. C'est elle qui nous a permis de nous affranchir de la faim, des maladies et de dépasser notre condition de simples animaux. Les premiers agriculteurs ont pu profiter des avantages d'une nourriture abondante, leur donnant tout le temps nécessaire pour bâtir des civilisations. Léo Grasset, l'animateur de la chaîne YouTube Dirty Biology, s'est concerté dans une série de deux vidéos avec sa colocataire de la chaîne Passé Sauvage, Clotilde Chamussy, pour remonter le fil de ce qu'il considère comme une addiction à l'agriculture. Parmi les figures qui ont contribué à construire les certitudes que nous entretenons sur notre mode de vie, il y a la conception selon laquelle notre ancêtre, le chasseur-cueilleur, n'était qu'un être divagant, désespérément dans la nature, à la recherche de sa pitance. Pour nous, des chasseurs-cueilleurs sont des gens qui vivent plutôt mal, c'est-à-dire qu'on parle d'économie de subsistance. Ils sont en mode survie en permanence. Et ça, c'est une vision qui date du 19e siècle. Et au contraire, ce sont des populations qui vivent dans une sorte d'abondance. Ils se sont implantés dans des endroits où il y a des ressources, il y a de l'eau, il y a du gibier. Et au final, la vision qu'on a de ces chasseurs-cueilleurs, c'est la vision qu'on a du sauvage et qui est une vision fausse. Okay. Et hyper bourgeoise, c'est-à-dire qu'on met nos valeurs et on les exporte au fin fond du désert, du Kalahari. L'avènement de l'agriculture, c'est la condamnation du temps libre, la contrainte d'une logique d'accumulation, l'invention du pouvoir de ceux qui contrôlent les stocks et donc les moyens de subsistance des populations dont ils sont issus. Sur les traces de l'américain Jared Diamond, dans son célèbre ouvrage « Effondrement », Léo Grasset montre que ce changement dans les méthodes d'approvisionnement n'a pas eu que des avantages. L'agriculture n'est pas une découverte, c'est une pratique universelle mais ponctuelle qui s'est installée et a pris de l'ampleur dans un contexte climatique favorable. Mais rien n'aurait été possible sans une nouvelle donne culturelle qui a changé les relations de nos très grands ancêtres. Un changement dans le rapport de l'humanité à la nature, décrit par Clotilde Chamussy de Passé Sauvage. L'idée que tout est disponible pour l'exploitation humaine naît et se développe en même temps que la révolution néolithique. La révolution industrielle n'est rien d'autre qu'une accélération technique. L'état d'esprit reste fondamentalement le même. Cette mentalité, développée à l'échelle du capitalisme mondialisé avec 7 ou 8 milliards de consommateurs, n'est, on le sait tous maintenant, absolument plus viable. Les prises de conscience récentes tentent ainsi d'enrayer 10 000 ans d'histoire humaine. Pas facile de faire émerger les prémices d'une nouvelle révolution. Grégory Jarry et Otto T, déjà responsables d'Histoire de la Révolution française, des colonies et de la conquête de Mars en bande dessinée aux éditions FLBLB ou Feleblebelebe, se sont lancés dans une histoire des possibles, une dystopie intitulée 300 000 ans pour en arriver là. L'auteur et le dessinateur imaginent une guerre civile dont le butin se résumerait à une pluie de bouteilles d'eau en plastique dans un monde dévasté. Avec un regret, Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans. S'il avait pu prédire la suite, il n'aurait peut-être pas emprunté la route des champs. Et ben voilà, ça c'est dit. Merci Anaïs. Tous les liens et les informations complémentaires sont à retrouver sur le site du journal de l'Histoire, en fait, sur franceculture.fr.